les autres. La pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour a rien à voir là-dedans. Malheureusement. Les sceptiques seront confondus. Hey, où c'est qu'on vit à ce temps? Saint-Hubert, proche de la 116. Je vais te renligner solide, moi, tu vas voir. Moi, te faire l'école à la maison, tant que tu repognes le billet de l'école normale. Ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mec s'est pogné en grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu me tenir la graine de que je pisse aussi? On t'en parler, mec, tu vises droit. Assieds-toi là, femme ta gueule. Bonjour, Diane. Shut up! Si t'as ton gars en plein, puis tu peux plus te pointer, ramasse tes clics pis tes claques, puis sayonara, ma gadaille. Calme-moi, là. On va être un team, nous deux. On va prendre soin de toi, on va te protéger. Si jamais vous aviez un autre petit emploi dans ce genre-là à me donner, ça m'aiderait. En l'air fine, la nouvelle voisine. C'est une maîtresse d'école, c'est à sabbatier. Je me présente, Diane Després, je suis la voisine d'en face. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Ben, merci, Kyla. Ben, ça a l'air de rien de même, mais on est après à repogner le beat, puis pas à peu près. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein? Tu sais jamais si tu vas tomber pile, ou ben donc si tu vas tomber en pleine face. Steve, c'est un violon. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais... Quand tu pètes une fuse, toi, soit de là, ben, ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Mon Dieu, c'est ça qu'on fait mieux, mon homme. Something in your mind. Send it downstream.